Chia se dit che. Che, qui s'écrit C' apostrophe E accent grave. Comme vous le savez, E veut dire est. E-S-T. C'est un verbe au singulier. Donc, che se rapporte à une seule chose. On l'emploie quand il y a une seule chose. Donc, comment diriez-vous « je veux savoir s'il y a un restaurant près d'ici » Dites d'abord « je veux savoir ». Voglio sapere. Oui, voglio sapere. Je veux savoir si. Se. Il y a. C'è. Se c'è. Un restaurant. Un. Un ristorante. Presque. Un ristorante. Avec un I. Ristorante. Un ristorante. Et pour dire près d'ici. Vous direz ici dans le voisinage. Qui vicino. Qui vicino. Qui vicino. Oui, qui vicino. Voglio sapere se c'è un ristorante qui vicino. Pour parler de la proximité, on peut dire aussi ce n'est pas loin. Le mot italien ressemble à lointain. C'est lontano. Lontano. Donc, que donnerait ce n'est pas loin? Ce n'est pas. J'ai oublié. N'est. Ce n'est pas. Non est. Non est loin. Non est lontano. Oui, non est lontano. Et comment dit-on vous pouvez y aller à pied? À pied, c'est a piedi. Parce que i piedi. P-I-E-D-I, c'est les pieds. Donc, a piedi, à pied. Alors, vous pouvez y aller à pied, se dit. Può, je ne sais plus comment. Andare. Può andare. Bien, mais può andare, c'est vous pouvez aller. Comment dit-on vous pouvez y aller? Può andarci. Oui, può andarci. Reprenons. Vous pouvez y aller à pied. Può andarci a piedi. Très bien. Può andarci a piedi. Non è lontano. Ce n'est pas loin. Alors, une autre phrase. Pouvez-vous m'aider parce que je ne veux pas le faire toute seule? Tout seul se dit da solo. En deux mots. Et par conséquent, toute seule se dit da sola. Commençons par pouvez-vous m'aider? Può aiutarmi? Bien. Può aiutarmi? Parce que je ne veux pas le faire toute seule. Perché non voglio lo fare ou farlo da sola. Lo fare ou farlo? L'un ou l'autre indifféremment? Oui, ça peut être l'un ou l'autre. Eh bien non, ça ne peut pas être l'un ou l'autre. Ah. Quand on a un infinitif, on peut effectivement rattacher lo à la fin du verbe, comme vous avez dit en dernier, farlo. Il y a bien deux solutions, parce que soit on rattache lo à la fin du verbe, soit on le met tout au début, mais jamais juste devant l'infinitif. Donc, soit non voglio farlo, soit non lo voglio fare, mais jamais non voglio lo fare. Est-ce que c'est clair maintenant? Non voglio farlo ou non lo voglio fare? De même, comment dites-vous « je veux le voir » ? Voglio vederlo. Oui, d'accord. Voglio vederlo. Ça, c'est la première solution. Il y en a une autre que vous connaissez déjà et qui est ? Lo voglio vederlo. Vous n'avez pas besoin de répéter « lo ». Une seule fois suffit. C'est donc ? Lo voglio vedere. Vedere. vedere. Bien, lo voglio vedere. Et maintenant, je ne veux pas le voir. Comment dites-vous ça? Non lo voglio vedere. Vedere. Oui, c'est ça. Non lo voglio vedere. Ou alors? Non voglio vederlo. Voilà, non voglio vederlo. Ou bien, non lo voglio vedere. Les deux solutions sont possibles. Est-ce que c'est bien clair maintenant? Oui. Très bien.